RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir, Slasher. Bonsoir, Scream, ça va ? Ça va, bonsoir, chers auditeurs, auditrices, dire que c'est 95 FM. Avec vous, jusque 22h, le Slasher et Scream. Car Sylvain ne sera pas là aujourd'hui, mais elle nous écoute, j'en suis sûr et certain. Elle a des devoirs à faire à la maison, non, je rigole, mais voilà. Ouais, bon, c'est congé aussi, en plus, c'est le premier, c'est pas le premier, c'est le 31, c'est Halloween. Voilà. C'est la fête, donc si on sonne chez vous, à votre petite maison, bah, offrez des petits bons becs aux petites têtes blondes, et même aux grandes têtes blondes aussi, hein. N'est-ce oui, pas oui, oui, bien sûr. Attention aux dents aussi, hein, voilà, protégez bien, mangez pas trop à la fois. Oui, voilà, avec modération, comme on dit. Voilà, avec modération. Et si vous sortez, parce que bon, il y a des gens qui font la fête aussi, hein, Halloween, bah, soyez prudents et prudentes. Alors, au programme de l'émission, bien entendu, on aura plein de nouveautés. Comme d'habitude, oui. Et on va d'abord commencer avec une chanson pour bien marquer le thème aujourd'hui. C'est celle-ci et puis on se retrouve tout de suite après. Je dirai le titre après, bien entendu. We'll be right back. there's magic in the air. écouter Halloween avec la chanson It's Halloween. Halloween. Voilà, donc c'était pour marquer l'intro de ce jour. Oui, ce jour, ben, c'est les Bombex, c'est Halloween. Donc c'est tout le monde est dans son canapé ou dans les salles obscures en train de regarder des films d'horreur. C'est la ou coutume. En train d'aller chercher des bonbons. Des Bombex, voilà. Nous aussi, on veut des Bombex si vous passez par le studio, les amis. Alors, juste pour juste comme ça, petit aparté, Halloween n'est pas une fête américaine comme on pourrait le penser, c'est celtique. Fête celtique. Voilà, alors on continue, et avant de retrouver la slasher song, parce que bon, Halloween c'est quand même 13 minutes de musique, hein, on va s'écouter Théocratie, petite nouveauté, l'album s'appelle Ghost Ship, et on va s'écouter le titre éponyme de cet album qui est une véritable tuerie. Massive! Voilà, juste à l'instant, Théocratie avec Ghost Ship, extrait de l'album du même titre éponyme. Franchement, une véritable tuerie. Un titre fait pour la scène. Hein, voilà. Oui. Donc, c'était Théocratie avec Ghost Ship. Il est l'heure de retrouver la Slasher Song. Et alors, qu'est-ce que tu nous as préparé, Slasher? Donc, je vous ai choisi un groupe qui a été formé en 1977 et qui existe toujours. C'est un groupe qui vient des États-Unis, donc de Californie et de San Diego. Donc c'est bien sûr le groupe de glam metal RATT. Voilà. Donc dans les membres il y a Steven Percy au chant, Warren DeMartini à la guitare, Carlos Cavazo à la guitare, Juan Crocier à la basse et Bobby Blotzer à la batterie. Donc là, on va s'écouter la chanson Round and Round qui est extrait de l'album Out of the Cellar sorti en 1984. Voilà, c'est parti. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. Rappel. donc c'était RATT avec Round and Round. Voilà, extrait de l'album Out of the Cellar. Voilà, un très très bon titre. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, Slasher. Hein. Voilà, bon choix. Alors le prochain, c'est extrait d'un album qui vient de sortir, un double album live, extrait et aussi un DVD dedans. L'album live s'appelle Let Me Feel Your Power. C'est bien entendu le dernier live de Saxon. Donc superbe live enregistré à Brighton, à Munich. Un peu partout, à Chicago aussi, donc voilà, il y a vraiment, vraiment de belles petites choses. Et on va s'écouter le titre Requiem, qui est un hommage à son vieux pote, comme il le dit, Lemmy Kilmister. Voilà, donc Requiem, c'est tout de suite, c'est Saxon en live. We can't play a show tonight without doing a song for our good friend Lemmy. He sent me a text message a couple of days before he died saying he thought we were fucking fantastic on the tour and that was just like Lemmy, so this one's for him. You can sing it if you like. It's called Requiem, We Will Remember. We'll be right back. saxon extrait de l'album Let Me Feel Your Power avec le titre Requiem, spécial en hommage à son pote à Lemmy Kilmister. Voilà, encore une petite nouveauté. Ben, vous allez me dire, dans Rive d'Enfer, maintenant vous êtes habitué, hein, à part les ronsignols qu'on joue, aussi bien le slasher que Sylval et que moi-même dans la balade, le reste c'est pratiquement que des nouveautés. Alors on va continuer avec le nouveau single de Pretty Maid, King Maker, une véritable bombe ce titre. Un véritable scud, Pretty Maid avec Kingmaker, nouveau single, vraiment une tuerie ce titre. Une tuerie. Alors, le nouveau Bon Jovi est arrivé. L'album s'appelle This House Is Not For Sale. Et on va s'écouter le titre Living With The Ghost, le new Bon Jovi. L'album s'appelle This House It's No For Sale. Le titre c'est Living with the Ghost et c'était le nouveau Bon Jovi, un titre qui va sûrement faire beaucoup parler de lui quand même. Bon Jovi, une grosse machine à tube quand même. Ah oui, c'est du bon Bon Jovi comme on l'aime. Voilà, oui. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est nouveau, c'est tout frais. Le titre qu'on va s'écouter là juste un instant, c'est Addicted to Thrill. C'est le nouveau 21 Octane. Ça aussi, ça se met bien derrière les oreilles. Oui. Voilà, donc c'est le nouveau 21 Octane avec Addicted to Thrill. To Thrill, pardon. Très, très bon. Franchement, hein. Excellent. Bah, du bon 21 Octane, franchement, il s'améliore de plus en plus. Il s'améliore. J'aime bien le slasher, il s'améliore. Le prochain, c'est qui ? Marcelo avec l'album s'appelle Scrolling Up. Et on va s'écouter Fix Me. Fucking hell. Thank you. Marcelo avec Fix Me, une véritable bombe, mais ce oui. titre. Mais décidément, il n'y a que du bon aujourd'hui. Il n'y a que du bon. J'en profite aussi pour faire un petit coucou à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent si gentiment. Et aussi à notre ami Vaken qui a retrouvé les ondes. Coucou Vaken, ah, tu nous écoutes Vaken. Et on le sait. Alors, on écoute ceci. Du Fernand Rocheau sur 95 FM. À toi, Spencer. Pardon ? Moi, je suis trop vieux pour dire des trucs pareils. C'est Rive d'Enfer 95 FM. Yeah. Alors, on va se le réécouter une fois, là, parce que je l'ai mal mis. Eh, c'est Rive d'Enfer. C'est Marcus et Spencer du Fernand de Rochaud sur 95 FM. À toi, Spencer. Pardon ? Moi, je suis trop vieux pour dire des trucs pareils. C'est Rive d'Enfer. Et pourquoi ? Yeah. Et pourquoi on écoute justement le petit Marcus et Spencer ? Parce qu'on a des places à vous faire gagner pour le Rock Tribute Show qui a lieu le 8 novembre en partenariat avec Live Nation France. Donc c'est un mardi et c'est un concert tribute. On a des places à vous faire gagner par deux, donc c'est bien si vous voulez y aller avec votre copine ou votre copain. ou voilà, ben, il suffit de nous téléphoner ou tout simplement de nous envoyer un message sur la page Rive d'Enfer. Donc le slasher va vous rappeler la page Facebook du Rive d'Enfer. Hein. Oui, oui, voilà. Voilà, donc c'est la page... Vas-y. Bah, Rive d'Enfer. Rive d'Enfer. Ou alors sur l'email, l'email qui est... rivedenfer.rqc@gmail.com. Voilà, donc rivedenfer.rqc@gmail.com. Il suffit d'envoyer un petit message et vous remporterez donc deux fois deux places pour aller voir le Rock Tribute Show. Alors, qu'est-ce qu'il y a au Rock Tribute Show? Il y a le Riff Raff qui est un tribute à CDC. Franchement, c'est génial, je vous le conseille. Il y a Satisfaction qui est un tribute à... Les pierres qui roulent. Les Stones. Il y a aussi les EZ Top qui est un tribute à ZZ Top. Et un tribute aux grandes gueules qui est tribute à Trust. Et pour info, il y aura aussi le guitariste de Trust justement dans la salle. Voilà, Nono. Vous pourrez parler avec lui justement aussi. Voilà. Donc tout ça, tout simplement, en nous envoyant un petit message sur la page Facebook ou sur l'email que tu vas rappeler. rivedenfer.rqc@gmail.com. rivedenfer.rqc@gmail.com. Voilà, alors Amorphall avec le titre éponyme Build to Last, c'est le nouveau, c'est tout frais et c'est pour vous. Rejected. Voilà, pas mal du tout, du bon Hammerfall comme ils nous ont habitués. Hein. Voilà, c'est tout simplement génial, quoi. Oui, avec le titre Brill to Last, extrait aussi de l'album, donc titre éponyme de cet album. Et tiens, j'ai une petite info à faire passer. Fear Factory est en train de fêter ses 26 ans, n'empêche. Quand même, 26 Qu'est-ce ans. Qu'est-ce que ça passe vite. Ça passe très, très, très vite. Voilà, le prochain, c'est un album qu'on a reçu. C'est le Slasher qui a fait les démarches. On a reçu donc l'album du groupe... Orion Child. On va s'écouter le titre No Return. Et l'album s'appelle Into the Deep Test Bane of Hope. C'est les Orion Child. Et on va s'écouter ça de suite, assez sérieusement, sous peu. D'ici quelques instants. Drive! que c'était Orion Child avec le titre No Return. Donc en fait, Orion Child, c'est un groupe qui vient de Abadino en Espagne. Voilà, donc soutenez-le, soutenez-les. Vous pouvez acheter leur nouvel album sur Facebook, vous tapez Orion Child et voilà, vous pourrez l'acheter. Voilà, donc il est temps de passer, il est 21h, dépassé de 3 minutes à l'horloge de notre studio, la balade crapuleuse. Et aujourd'hui, je vous ai choisi Savatage avec This Is The Time, avec, qui serait l'album Dead Winter Dead, qui est sorti en 1990. La balade crapuleuse. I hesitate. It was not in the plans. All of our lives we could only wait. It was out of our hands. And every war where we took the day, these are the signs that we must embrace. The moment is now in all history. The time has arrived, and this is the time has arrived, and terrible cette balade, Savatage, donc This Is The Time, c'est l'album Dead Winter Dead, sorti en 1990-1990, ça remonte déjà quand même à 26 ans. Pour moi, Dead Winter Dead, c'est le meilleur album de Savatage. Savatage avec Zach Steven Hall au chant, ça me rappelle aussi quand on avait fait l'interview à l'époque de la sortie de cet album, c'est une claque, car faut savoir que cet album parle beaucoup de la guerre qu'il y a eu à Sarajevo, donc voilà, c'est ce qu'il nous avait dit lors de l'interview avec Al Pitrilli à la guitare. On poursuit, on redémarre avec le groupe Elixir, l'album s'appelle We're the Secret Lie avec Beyond Dream, c'est tout de suite, c'est maintenant sur RQC 95 FM, avec vous jusque 22h, le Slasher et Scream, pour l'émission Rêve d'Enfer sur RQC. We'll be right back. s'appelle du bon power quand même, hein. Ah oui, Elixir avec Beyond Dream, l'album s'appelle We're the Secret Lie, c'est du très très bon power, voilà. Et s'il me semble, si mes souvenirs sont bons, je me demande si c'est pas brésilien. Mais bon, je veux pas trop m'affirmer dans ce sens-là. Mais c'est Elixir avec Beyond Dream. Le prochain titre qu'on va s'écouter, l'album s'appelle The Serenity of Suffering. Le groupe, il a fait fureur au Download. Il a fait fureur au Hellfest. Il s'agit de Korn. Ah. Et on va s'écouter le titre Insane du groupe Korn. C'était Korn avec Insane, toujours avec une basse bien marquante comme celle des Korn. Voilà, bon, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Voilà. Oui. Mais bon, ici vous êtes bien gâtés, c'est beaucoup de nouveautés. La preuve, là, c'est encore une nouveauté live cette fois-ci. L'album s'appelle 10,000 Way to Die. Le titre qu'on va s'écouter, c'est Vision in My Head. Et le groupe, c'est Obituary. Yeah. de groupe donc qui nous vient de Floride, le fameux Obituary. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est là, c'est sur RQC 95 FM avec vous jusque 22h, Scream et le Slasher. Oui. Voilà, donc pour ceux qui ont raté le concert, ben c'était à voir quand même. C'était l'Obituary avec Vision in My Head, extrait de l'album 10,000 Way to Die. Voilà. Ce solo est génial. Le son, ouais, il n'y a pas que le son. Le solo. Le solo et les gens, ils sont, enfin, les membres du groupe, John Tardy et toute la bande, oui, sont super, super sympatoches. Super sympa et super accessible. Voilà. Le prochain, c'est Oni avec Internal Recurrence. L'album s'appelle Iron Shore. Ruin your one, we know. It is true, this wound. infinite regression and repeat. Never yield to remorse. These words have set me Voilà, c'est Oni avec Internal Recurrence, l'album s'appelle Iron Shore. Alors, je vous rappelle que la semaine prochaine, on recevra Julie qui viendra nous parler de Écoute ton cœur de rocker. Ils vont organiser un petit festival du côté de Mamez pour le profit des enfants. Enfants autistes. Voilà, donc, les amis, franchement, bougez-vous le cul. Et voilà, pour soutenir enfants, ces gens aussi qui organisent ce festival. Donc, elle viendra vous parler un petit peu de ça. Là, semaine prochaine. Voilà, c'est dit. Alors, le prochain titre qu'on va s'écouter, c'est Terrified. L'album s'appelle Binet et le titre, c'est The Human Contribution. Terrible ce morceau comme ça avec des parties crescendo comme ça, The Human Contribution, c'était Terrified, voilà qu'on se le dise, un titre que vous devez retenir, il pourrait figurer dans mon top 5, pourquoi je vous parle du top 5, parce que nous rentrons déjà dès demain, au mois de novembre, il ne restera plus que 2 mois pour la fin de l'année, et au mois de décembre, Sylvain, le slasher et moi-même, on va vous présenter notre top 5, et normalement, on essaiera d'avoir comme d'habitude Rico, Sleep et Bruno pour nous parler, ils viendront nous parler aussi de leurs favoris top 5. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent de temps en temps du métal. Enfin, Bruno et Sleep, c'est tout le temps du métal, bien entendu. Et Rico, dans ses canards vont à la main, nous met du métal aussi. Voilà, c'est bien aussi d'avoir l'avis d'un peu tout le monde. Et en plus, l'artwork de Terrafight est vraiment super bien fait. On voit, c'est une moitié de visage de loup et d'enfant, c'est vraiment bien fait. Ouais, terrible. L'artwork, vous pouvez le retrouver sur la page. Rive en fait. Voilà. Le prochain, ils ont mis le feu au Rhymefest. C'était juste avant la tête d'affiche. C'est les Irlandais de The Answer. Groupe super sympatoche aussi. Très abordable et très ouvert quand on les interviewe. Et on va s'écouter. L'album s'appelle Solace. Et on va s'écouter un titre du dernier album qui s'appelle Demon Driven Man. The Answer. Demon Driver Man, c'était bien entendu The Answer avec le titre Demon Driver Man, extrait album Solas. Super, super chanson. Ça fait plaisir aussi. On vient d'avoir un petit message du côté de Budapest. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Voilà. On nous écoute un peu du côté aussi donc de Budapest. Et c'est super chouette. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est Amarante. L'album s'appelle Maximilisme. Et on va s'écouter Maximize de Amarante. C'est tout de suite. C'est maintenant sur RQC 95 FM. Un titre très envolé, électro quand même, hein, le nouveau Amarante avec Maximize, extrait d'album Maximilisme. N'empêche, il faut que du bon Amarante. Ah oui, c'est très bien. Là, c'est très envolé, électro quand même. Hein, oui. Voilà. On va dire un peu à la City Larsen. On peut dire ça comme qu'on ça. On l'avait eu en interview d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, c'est juste. Le prochain, la pochette, elle est super. L'artwork, il est extra. L'album s'appelle House of Usher. Et on va s'écouter Aeternitas avec le titre Fear. C'est tout de suite, c'est maintenant. If you went straight from your L'album s'appelle House of Usher. Le groupe c'est Aeternitas. C'est le titre qu'on vient de s'écouter. Ben, c'est peur. Hein. Peur, ça veut dire fear, hein, tout simplement. Oui. Voilà. Moi, franchement, j'ai vraiment bien aimé tout ce côté orchestral, trompette et tout. Parfois, c'est placé au bon moment où il faut. Ouais, c'est du clavier qui remplace les cuivres comme ça, mais bon, les instruments avant et tout, mais c'est bien fait. Et ça change un peu de toutes les envolées un peu qu'on a déjà habitué d'entendre, voilà. Alors le prochain, ben, c'est un groupe aussi qui est fort attendu, ils seront bientôt au Splendide de Lille, au Zénith, pas au Splendide, c'est trop petit pour eux. Voilà, Avenged Sevenfold, l'album s'appelle The Stage, et on va s'écouter... Paradigme, c'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà, c'est un dernier extrait d'un album The Stage de Avenged Sevenfold, oui, qui seront au Zénith de Lille. Et d'ailleurs, la billetterie est ouverte, donc vous pouvez acheter vos places. S'il en reste encore. Paradigm, c'est le titre qu'on vient de s'écouter à l'instant. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est Nevoria. L'album s'appelle Forsaken. Ça fait penser aussi à un titre un peu du groupe Dream Theater. Ah oui. Un titre que j'apprécie très fort de Dream Theater. Bon, là, c'est le titre de l'album, bien entendu. On va s'écouter Regret, mais je ne sais pas de ce qui regrette, mais on va voir, on va écouter, on va essayer de comprendre ce qui regrette. Un titre quand même au super envolé, quand même, Nevoria. L'album s'appelle Forsaken et c'est le titre Regret. Voilà, d'ici quelques minutes, vous allez retrouver l'équipe de Midnight Monkey Show. Midnight Monkey Radio Show. I'm sorry, man. I'm sorry. Donc d'ici quelques minutes, ils vont prendre les manettes. Là, ils sont frais comme des gardons. Ils n'ont pas mangé trop de bonbons. Ils ne sont pas grimés. Ils ne font pas honneur à Halloween. Peut-être qu'ils vont commencer. Halloween, c'est un groupe avec Halloween. Peut-être qu'ils vont faire honneur. Ils vont commencer avec un titre d'horreur. Je ne sais pas. On verra bien. On sera toujours là pour voir. Et nous, on va se quitter avec Sacred Steel, avec Heavy Metal Sacrifice. Justement, Halloween, c'est bien. On fait des sacrifices aussi. C'est bien. On va faire un sacrifice. Mais on va faire le sacrifice du Heavy Metal. Je ne sais pas ce qu'on va sacrifier. Peut-être un petit moustique ou quoi qui va se promener, un petit cousin, on sait pas, on sait rien. L'album s'appelle Heavy Metal Sacrifice. N'oubliez pas que la semaine prochaine, on recevra Julie qui va nous parler de... Oui, donc les métallos ouvre ton cœur, c'est donc une organisation pour les enfants autistes. Il y aura un festival où tous les bénéfices seront reversés aux enfants autistes. Ça aura lieu à Mamez. Voilà. Donc d'ici quelques minutes, vous allez retrouver donc l'équipe du Midnight Monkey Radio Show. Voilà. Allez, on se guide avec Sacred Steel, Heavy Metal Sacrifice.